d'amour pour toi. Et pourtant je n'ai pas le droit d'imaginer d'être un jour à toi, puisque tu portes une alliance au doigt. Avec l'idée que par ma faute.